Cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بأدلة أهل البدع القائلين بخلق القرآن. Les arguments que أهل البدع ils citent, ils utilisent pour appuyer leur bid'a. أن القرآن il est مخلوق. استدلوا بقول الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فماذا قالوا par rapport à ce verset عندك؟ جعل بمعنى خلق. نعم قالوا جعل بمعنى خلق كقول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور أي خلق. Ils ont dit ja'ala bima'na khalaqa, donc le Coran il est créé. Hada c'est batil. Limadha li'anna ja'ala qad yakun bima'na khalaqa wa qad yakun bima'na ghayr khalaqa. Idha 'uddiya ila fi'lin wahid lam yakun bima'na khalaqa wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Wa idha 'uddiya ila maf'ulayn ففي هذا الحال لا يكون بمعنى خلق. Et on a vu en détail هذا. ولله الحمد. الاستدلال الثاني, le deuxième argument, قالوا أن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء. Donc Allah il a tout créé, même le Coran. لأن الله il a dit كل. الله خالق كل شيء. نعم فماذا قلنا؟ pourquoi هذا الاستدلال لي باطل؟ عندما ها عندك؟ كلام الله ولا صفات الله. tu dois répondre à ce verset qu'ils utilisent هم. الله خالق كل شيء. أما on sait que le Coran c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. لكن الآن on répond à leur ambiguïté. Qu'est-ce que tu vas lui répondre s'il te dit Allah khaliq kulli shay? Allah il a tout créé, il a créé le Coran. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu dois lui montrer que ce verset que c'est pas ça. عندما ان الله يعني ينظر يعني الكلام الكل يعني لا لا يشمل يعني كل لان الله ذكر في القران ان قال تدمرك كل شيء بأمر ربها. نعم قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. فماذا يعني في في في هذا يعني القرن في هذا القرن يعني ما دمر الله كل شيء يعني الملائكة نعم أي لفظة كل. Le mot kul en arabe, est tout. Ça ne veut pas dire que ça englobe tout. Il n'y a rien qui sort de cette globalité. فمثلاً ابن أبي العز il a cité قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. Le vent, il a tout détruit. Et نحن, on sait très bien que le vent, il n'a pas détruit les cieux et la terre. كذلك les anges. كذلك العرش. كذلك الجنة, النار, les djinns, tous les êtres humains. Là. Donc ça te montre que tout, ça ne veut pas forcément dire comme ils ont compris Haoula, ça englobe tout, il n'y a rien qui sort de cette globalité. فَالْمَعْنَا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهَلَكِ. Les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait que le vent détruise telle chose, des choses précises. فَهُنَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Ça ne veut pas dire que ça englobe tout. لِمَاذَا لِأَنَّ les attributs d'Allah عز وجل عندك. نعم لأن الله il est pas مخلوق. Allah c'est le خالق. Et ses attributs c'est les attributs du خالق. Donc les attributs d'Allah ils sont pas créés. هذا الكلام il est باطل. هذا الذي أخذناه. Donc retenez bien أنتم. Et l'essentiel à ce stade c'est de comprendre عقيدة السلف في صفة الكلام. Et أن القرآن كلام الله عز وجل. Et on avait expliqué en détail. Et كذلك de retenir, même si ce n'est pas maîtrisé à 100%, de retenir le résumé de ce redoud. Ça vous servira, incha'Allah ta'ala, plus tard. لأن dans les autres livres, خاصة التدمورية et شرح الطحاوية كذلك لابن أبي العز رحمه الله العلماء يدتايل هذا أكثر وهذا أنتم vous le prenez comme un aperçu فقط من يقرأ on n'avait pas pris de nouveaux vers لكن واحد منكم يقرأ حتى ça nous rappelle le début de cette poésie عندما تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي هم مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسمح كلام محقق في قوله لا ينسني هنه ولا يتبدل ولكلهم حب الصحابة كلهم لي مذهب لكن ما ومودة القربى ومودة القربى بها أترسم ولكلهم قدر على وفدائل لكن ما صديق منهم أبدل وأكون في قرآني ما جاءت به آيته فهو الكارم المنزل وأقول كما الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول أحسنت قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول يدمونتر أنه رحمة الله عليه il était à la aqidati salaf wa aqulu qala Allah jalla jalalu ay anna ad-din al-aqida elle est fondée sur des preuves aqulu qala Allah jalla jalalu fal-ibada tawqifiyya wa al-asma wa sifat kadhalik c'est des ulum tawqifiyya ay tu peux pas parler avec ta raison et délaisser les textes c'est pas un bab où où on va déduire des choses ou ijtihadat là un os celui qui a une preuve son kalam il est maqboul celui qui n'a pas de preuve son kalam il est mardoud فلهذا شيخ الاسلام يقول واقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم donc هذا الدين il est fondé sur ces deux sources la révélation d'Allah عز وجل القرآن C'est min kalam illah, comme taqaddam, et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qal wala ata'awwalu. Ay, il démontre, et c'est un rad ala al-mu'awwila, al-muharrifa, al-asha'ira, annahum, ils prennent les textes, lakin, ils les expliquent de leur manière. Tahrifun, ça s'appelle. Et on va voir, ma'na at-ta'wil, incha'Allah. Qala, الشارح شيخ محمد حفظه الله هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في أنهم لا يستندون في نهجهم وعقيدتهم إلا إلى الآية القرآنية والسنة الصحيحة donc أهل السنة leur دين il est basé sur des preuves des versets du Coran al-Karim et السنة As-sahiha, bien sûr. Il y en a la condition pour qu'un hadith, ça soit une preuve, c'est que ce hadith, il soit thabit. Imma sahih, imma hasan. Amma al-hadith, al-za'if, fala, c'est pas une preuve. Qala Allahu jalla wa ala, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Ce verset montre anna المؤمن إدواغ فنيغس حق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الله إلى غفلي هذا القرآن إلى غفلي للسنة وبخفت صلى الله عليه وسلم parce que c'est حق فالله سبحانه وتعالى c'est الحق من أسمائه الحق وكلامه حق et son رسول صلى الله عليه وسلم il appelle au حق on n'a pas le droit de chercher la guider dans autre que ce حق فَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Si tu n'acceptes pas la parole d'Allah Azza wa Jal, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فكيف كيف اكسبتي سو مؤمن؟ هذا سي خطير جدا. بوركوا؟ لان يا دي بيرسون كالمعتزله والجهميه اي ابخي الاشاعره ils ont essayé de comprendre ces textes avec leur raison. Ils ont rejeté des choses. Ils ont déformé des choses. Et ils ne se sont pas soumis. Pourquoi les annahum, ils n'ont pas suivi la voie de ha'oula al-a'imma, a'immat al-sunna, a'immat al-salaf. Qala, wa qala ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmi yu'minun. Kadhalik, il cite des autres versets pour démontrer l'importance de la révélation. Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim. Normalement, le mu'min, hada, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'autre chose. Li'annahu, c'est un mu'min. Il croit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il croit la parole d'Allah azza wa jal, donc il doit se soumettre. Ça doit lui suffire, le mu'min. As-sahaba radiyallahu anhum, quand la preuve leur parvenait, ils se soumettaient. Fanahnu kadhalik, on doit faire des efforts fi hada. Ce din, il est fondé sur des preuves. Ce din, il est fondé sur des règles bien précises. Donc, on doit s'arrêter à ces preuves. Ne pas dépasser les limites. Surtout dans ce bab. Bab al-aqida, al-asma wa sifat. Pourquoi? Li'annahu su'ilm, tu étudies les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est min umur al-ghayb. On n'a jamais vu Allah Azza wa Jal. Personne n'a vu Allah Azza wa Jal fi dunya. Donc il reste que les textes. Ne pas parler avec ses passions ou avec sa raison et délaisser les textes. Là, هذا الباب il est عظيم. وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. امر من الله عز وجل. اتبعوا. Ça nous montre ان المؤمن doit suivre. Il doit se soumettre. L'aqida, il n'y a pas besoin d'ijtihadat, d'inventer, de se baser sur des rêves, se baser sur des on-dits. Là, cette l'aqida, elle est claire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a propagée. Tous les messagers l'ont propagée. Cette croyance authentique. Nous, on n'a plus qu'à suivre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel attribut, si tu as un délil, tu dis na'am. Si tu n'as pas de délil, tu dis Allahu a'lam. Et si c'est du naqs, tu dis la. Hada, c'est ça. Madhhab al-salaf fi hada al-bab. Wa qala ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ce verset, il l'a cité Cheikh Mohammed حفظه الله لأن الله عز وجل dans ce verset il montre أن المؤمن il n'a pas le choix والمؤمن كذلك. C'est un أمر واجب de suivre les textes. On n'est pas libre, comme ils disent, al-kafara. Et tu fais ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux, tu crois ce que tu veux, tu prends la position que tu veux. Iyadun billah. Ba'adun nas, l'essentiel, c'est que tu ne fais pas du mal à un tel, minan nas. Et après, chez toi, ta croyance, dans ton cœur, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est min mabadi al-kafara. Et ça contredit notre din. Et kathir, mimman ينتسب الى الاسلام انحرف à cause de cette mauvaise compréhension. انه il est libre, il fait ce qu'il veut. Alors que le mu'min, il croit au Coran et il doit se soumettre à Allah azza wa jal. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله. اي un mu'min ou une mu'mina, un croyant ou une croyante, si Allah سبحانه وتعالى ou son messager, ils ont ordonné quelque chose, amran, imma tu dois faire une obligation, imma tu dois t'écarter d'un interdit, c'est ça l'amr. En yakuna lahum al-khiyratu min amrihim. Ay, ils n'ont pas le droit de penser qu'ils ont le choix. Et là, c'est obligé, t'appliques. Bien sûr, celui qui a la capacité. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul fattaqullaha mastata'tu. Celui qui a la capacité, il fait. Celui qui n'a pas la capacité, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. فمثلا si on prend الصلاة, الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقيام قوموا لله قانتين أمر بالقيام. Donc on doit tous, quand on fait salat, se mettre debout. Celui qui ne peut pas, bien sûr, assis, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « fa'in lam فجالسن أو فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. Celui qui ne peut pas assis, s'il ne peut pas assis, couché. Al-Muhim, chacun fait selon sa capacité. Amma, celui qui peut, et il délaisse. Il dit, je suis libre, je ne fais pas debout. Je fais assis. J'ai choisi de faire assis. Hada, sa salat, elle est batila. Enfin, c'est ça notre dîn. Tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a des ordres, des règles bien précises. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا. Et celui qui s'entête, qui désobéit, qui ne se soumet pas, فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا. Il s'est égaré. Un égarement clair. عِيَادًا بِاللَّهِ. وَقَالَ تَعَالَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤمنون. Ils n'auront pas la foi. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. حَتَّى si il y a quelque chose, un problème entre eux, ils reviennent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne veut pas dire la yu'minun annahum, à chaque fois qu'ils délaissent une sunna ou ils font un péché, c'est des kuffar. La yu'minun, l'ulama il l'explique, ay al-iman al-kamil. Si c'est une ma'asiyah, alors iman il descend. Enfin, par rapport à la ma'asiyah, l'iman il descend. Et si c'est du kuffar ou quelque chose qui fait sortir de l'islam, c'est plus un mu'min, c'est plus un muslim. Enfin, l'amr il est khatir. Ces versets 1, ils sont importants pour te montrer que l'aqida est fondée sur les preuves. Et dîn, le muslim, il est fondé sur les preuves. Falhadar min afkar al-kuffar. Al-kuffar, il ne donne aucune importance au texte. Il ne donne aucune importance au Coran. Bel yuharibun al-Quran. Wa yuharibun al-Rasul. Ils font tout pour que le mu'min s'écarte de ces deux sources, al-Quran ou al-Sunnah. Wa'alam anna pour écarter al-mu'minin de ces deux sources, ils combattent ceux qui propagent ces deux sources, Ahlul Ilm. Ils ne vont pas dire directement, bel an, ils le disent, ba'duhum. Lakin, kathir minhum, khasadan min al-munafiqin, ils vont combattre ceux qui propagent al-Qur'an ou al-Sunnah. Hatta ils t'écartent min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Fal-hadar. Qala, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni tarikun fikum ma in i'tasamtum bihi lan tudhillu. كتاب الله رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. حديث نعم il a cité كذلك pour démontrer l'importance du Coran. إن تاركم فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. أي je vous ai laissé une chose, si vous vous accrochez à cette chose, vous vous égarerez jamais. Le Coran. Et le Coran, كذلك, il nous appelle à suivre As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, amrana bittiba' As-Sunnah. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Ar-Rasul. Donc, résumé de ce bait, wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu anna al-muslim sa'aqida. Il apprend de ces deux sources la révélation. Al-Quran wa As-Sunnah as-sahiha. Wa Sheikh al-Islam, il a fait un tambih tayyib, il a dit wa la ata'awwalu. Ça te montre anna al-ba'd min al-munharifin, ils vont prendre un verset du Coran ou un hadith, lakin ils vont le comprendre à leur manière. Ils vont faire du ta'wil ou du tahrif. Et on va expliquer l'an bi kalam al-sharih inshallah ma'na at-ta'wil. Qala wa qawluhu wa la ata'awwalu. للتأويل ثلاث معاني. التأويل traduit par interpréter. لأن les interprétations elles sont de deux catégories. Ça peut être une interprétation qui est juste, ça peut être une interprétation qui est fausse. أما فالصفات, tu dois comprendre ces صفات comme ils les ont compris salaf, comme on va voir. Et على الظاهر, avec la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il avait deux mains, qu'il avait un visage, qui descend, qu'il est au-dessus de son trône. Annahu, il est vivant. Enfin, tout ça, nu'min bih. Et on a la croyance que c'est des vrais sifat. Pas comme ils disent, al-mubtadi'a li annahum, ils font du tahrif. Ils vont dire, na'am Allah, il a des mains, lakin, c'est pas les mains que vous comprenez, vous. en fait les mains c'est la force. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit des mains. C'est des mains. Lakin, est-ce que ça implique que c'est des mains comme celles des créatures là? C'est des vraies mains, et on a cette conviction, et ça ne veut pas dire que c'est des mains comme celles des créatures là. لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui ressemble à Allah عز وجل. Les mains d'Allah, ce n'est pas comme les mains des créatures. On a cette conviction أن الله il a des صفات, et كذلك on s'écarte du تمثيل. كذلك on s'écarte de الكيفية. Comment elles sont ces صفات, Allah أعلم. On ne sait pas. Allah il nous a informé qu'il avait un visage. Il ne nous a pas informé comment il est ce visage. فنحن عند الكيفية le comment on dit Allah أعلم. On répète les versets du Coran. Allah il a deux mains. Lui-même il le dit dans le Coran. Nous dit Allah il a deux mains. Est-ce qu'elle ressemble à celle des créatures? Abadan. Comment elles sont? Allahu a'lam. C'est ça l'aqidat al-salaf. Vous allez voir que Ahl al-Bid'a, tous, ils se sont égarés. Les ma'adha, les anna, ce point, ils l'ont délaissé. Et de croire aux attributs et ne pas interpréter. Ils ont tous pensé au départ que si tu dis qu'Allah il a des mains, ou un visage, ou il descend, ou des doigts, il a des doigts, Azza wa Jal. Toutes ces sophètes qui sont sabitas fil Qur'an, ou fil Sunnah, ils ont pensé que si tu dis que Allah il a ses attributs, tu le fais automatiquement ressembler aux créatures. C'est ça le début de leur égarement. Fabardouhum. Ils ont dit là, si on dit qu'Allah il a des mains, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures, et faire ressembler Allah aux créatures, c'est de la mécréance. Ils ont dit Allah il n'a pas de mains. Al-Mu'attila, ça englobe Jahmiyyah, Al-Mu'tazila, etc. Un autre groupe, wal-iyadu billah, un autre extrême, ils ont dit si Allah il a dit qu'il a des mains, c'est qu'il a des vraies mains. Et ils ont pensé que c'était comme les mains des créatures. Al-Mu'mathila, Al-Mushabbih, ha'ulaz de kafara. Ils ont fait ressembler Allah à la créature. Un autre groupe, ils n'ont pas voulu faire ressembler Allah à la créature, ils savent que c'est très grave. Kadhalik, ils n'ont pas voulu renier, comme ils ont fait le Jahmiya directement, dire qu'Allah il n'a pas de main. Ils se sont mis entre les deux. Ils ont dit, Allah il a des mains, il ne ressemble pas aux créatures, lakin ce n'est pas des vraies mains. Allah il a dit, il a des mains, na'am. Lakin ce n'est pas des vraies mains. C'est la force, c'est la puissance, c'est le qudra, c'est la capacité, c'est ni'ma, c'est les bienfaits. Et ils ont interprété. Le juste milieu. Le juste milieu, quand on a dit ils étaient entre les deux, enfin, c'est pas comme Ahl al-Sunnah le juste milieu là. Ils n'ont pas pris le qawl de Jahmiya tout à fait, mais ils n'ont pas pris le qawl de Al-Mumathila. Ils ont essayé un autre qawl. Amma al-qawl al-wasat, le juste milieu, c'est Ahl al-Sunnah. Ils ont dit Allah il a des mains, il a des vraies mains, lakin il ne ressemble pas aux créatures. Et ils ont dit na'am, c'est des mains. Donc ils se sont écartés du ta'til, ils ont dit Allah il a des mains, et ils se sont écartés du tamthil. Ils ont dit Allah, ses mains c'est pas comme celles des créatures. Fa athbatu as-sifa kama athbataha Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu, et كذلك ils se sont écartés de ce danger, at-tamthil wa at-ta'til. Par rapport au comment al-kayfiyya, ils ont dit Allahu a'lam. Allah il nous a pas informé de ça. C'est ça en globalité. En résumé, aqidat ahl al-sunnah fi al-sifat. Alors on revient après ce résumé au ta'wil. Al-ta'wil ou li-ta'wil thalathatu ma'ani. Al-ta'wil interprété, il y a trois catégories. Al-awwal ay min ma'ani al-ta'wil huwa istilah al-muta'akhirin min al-mutakallimin fi al-fiqh wa usulihi anna al-ta'wil huwa sarf al-lafz 'an al-ihtimal al-rajih ila al-ihtimal al-marjuh. لدليل يقترن به وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين. هذا التأويل c'est interprété ait un sens en apparence, lakin un autre délil il montre que l'explication authentique c'est telle chose. هذا s'il est fondé sur un délil il est accepté, s'il n'est pas fondé sur un délil il n'est pas accepté. Amma, on verra que Fussifat, il n'y a pas de ta'wil à avoir. Fussifat, il n'y a pas de... Tu ne trouveras jamais une preuve qui te dira les mains, en vérité, ce n'est pas des vraies mains. L'explication, c'est la force, c'est la ni'ma. Tu ne trouveras jamais ça. Fussifat, ça n'existe pas. Al-sifat, tabqa ala zahiriha. Amma, fil-fiqh, ça arrive beaucoup. Qawlullahi azza wa jal, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أي si tu lis le Coran, qu'est-ce que tu dois faire? فاستعذ بالله. Tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية الاستعاذة, tu l'as dit quand? Si tu prends le verset comme il est. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, si tu as lu le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, demande protection. Tu le dis quand à la ظاهر القرآن? Après. Et là, chacun, tu dois le dire avant. العلماء, علماء التفسير, ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن et d'autres, ils démontrent أَنَّ الْمَعْنَى, c'est si tu veux lire le Coran, dis أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, et avant de lire. Ça, c'est un ta'wil sahih. C'est une explication de Ahl al-Ilm pour te démontrer le vrai sens. Et fait le haqiqa, en langue arabe, ça s'emploie hakada. Ahiyanan, annahum, ils parlent au passé. Et fait le haqiqa, ils veulent que la chose, tu la fasses avant. Idha qara'ta al-Qur'an, si tu veux lire le Qur'an. Hada, c'est uslub min asalib al-arab. Kadhalik, qawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نفس الشيء ظاهر الحديث en apparence, tu dis ce dua quand tu es rentré dans le WC. إذا دخل أحدكم, si quelqu'un de vous est rentré, rentre au WC, il dit كذا. En apparence, كأن هذا الشخص rentre et ensuite il dit dua. على شك أن المراد والمطلوب, c'est de dire ce dua avant. لأنه لا يجوز ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء تعظيما لله عز وجل. Ça, c'est deux exemples pour te montrer l'explication du ta'wil si un dalil. Ça arrive, هذا. لكن في الأسماء والصفات لا. Et on verra, inshallah, la parole de Cheikh Mohamed. الثاني, deuxième chose, catégorie de ta'wil, أن التأويل بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير وغيره من المصنفين في التفسير اختلف أهل التأويل ومنه قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. L'explication du ta'wil كذلك, ça peut être التفسير. تفسير القرآن, تأويل القرآن. في هذا الحال يا أكا مال. C'est pour ça que ابن جرير كثيرا يقول اختلف أهل التأويل أو يدد تأويل هذه الآية أي l'explication de ce verset. هذا يا أكمل التأويل بمعنى التفسير. الثالث هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فإن كان خبرا فتأويله وقوعه كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقوله تعالى هذا تأويل رؤياي. التأويل ça peut être une chose qui s'est passée, qui est arrivée. مثلا قول الله عز وجل هذا تأويل رؤياي في سورة يوسف أنه quand il a vu en rêve أن la lune et le soleil se prosternent. فالتأويل الرؤية elle est vraiment arrivée, c'était que ses parents se sont prosternés quand ils l'ont retrouvé في مصر. C'est ça التأويل, il y a une chose qui va arriver. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله, si c'est un طلب فالتأويل التأويل c'est de appliquer cet ordre. كحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ويقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن أي il applique سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, أي on va voir أنه il applique la parole d'Allah عز وجل. قال يتأول القرآن متفق عليه, تعني يمتثل قول الله في كتابه الكريم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا, سورة النصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأويل ce verset, أي l'applique le prophète صلى الله عليه وسلم في الركوع et السجود avant de mourir, répétait beaucoup ce ذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Si tu regardes le sens de ce dua, c'est exactement le sens du verset. فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره اللهم اغفر لي. Et il a appliqué le verset dans son sujoud, il a demandé à Allah عز وجل qu'il lui pardonne. هذا c'est la troisième catégorie de ta'wil. قال الشيخ محمد حفظه الله ومراد شيخ الإسلام في هذا البيت ولا أتأوله هو المعنى الأول لكن بلا دليل. لأننا on a vu que التأويل بدليل c'est autorisé. Pas في الصفات. في الصفات j'ai pas de تأويل. لكن dans certaines مسائل on a cité la lecture du Coran, on a cité كذلك rentrer avant de rentrer aux toilettes dire ce dhikr. وإذا خلا صرف اللفظ عن ظاهره عن دليل فيسمى تحريفا لا تأويلا. Et ça c'est important. Celui, مثلاً, الأشعري, qui fait du ta'wil sans délit, مثلاً, il dit, le visage d'Allah Azza wa Jal, en fait, c'est la récompense. C'est pas un vrai visage pour lui. Pour lui, c'est la récompense. هذا تحريف. Pourquoi ? لأنه il fait une interprétation et il n'a aucun délit. C'est quoi qui l'a poussé à faire cette interprétation ? C'est quoi qui l'a poussé à faire cette interprétation ? Hein ? Naam, plus précisément. Pourquoi? Pourquoi il a délaissé? Hein? Parce qu'il ne voulait pas faire ressembler à moi. Ahsan, il avait peur du tamthil. Lakin, c'est pas une excuse. As-salaf kadhal, qu'ils avaient peur du tamthil. Et c'était les gens les plus éloignés du tamthil. Et ils ont cru et ils ont démontré à Allah il avait ce sifat. على الحقيقة sans faire de tamthil. Nous on dit Allah il a un visage pas comme celui des créatures. Comment il est? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala il était avant la créature. Pourquoi le comparer à la créature? Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'awwal. Lakin al-qawm min hadha al-bab ils ont voulu s'écarter d'un shar et ils sont tombés dans un autre shar. Tastafid min hadha anna vouloir s'écarter d'un mal ça suffit pas. Tu t'écartes d'un mal lakin avec les preuves. Comme les gens, ils ne veulent pas faire de mal, ils s'écartent d'une chose et ils font plus de mal. Et là, tu t'écartes d'un mal avec les preuves. Tu te rapproches du bien avec les preuves. C'est ça notre dîme. قال حفظه الله وأهل البدع إذا حرفوا النصوص بلا أدلة سموه تأويلا ليروج ويقبل فالأولى من نفي التأويل نفي التحريف. أهل البدع نعم. Ils disent que ils font du ta'wil. Pourquoi? Il y a une catégorie de ta'wil qui est acceptée, comme on a vu. Mais le tahrif, c'est négatif dans tous les cas. C'est pour ça qu'ils diront jamais on fait du tahrif. Là, ils disent on fait du ta'wil. Et nous, on sait que leur ta'wil, c'est du tahrif. Fait ta'wil, ça peut être bihaq, s'il y a un délil. Un tahrif, dans tous les cas, c'est batil. Qui c'est qui nous résume? Ça veut dire quoi, le ta'wil et le tahrif? Ta'wil, c'est l'interprétation. Naam, la... ça veut dire quoi l'interprétation? Maintenant, un verset du Coran, qu'est-ce qu'ils font? Interpréter, on n'a pas ce mot naam, lakin c'est une traduction faqat. Nous, on va voir, est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils font? Dans un autre sens sans délit. Ils prennent un autre sens où il n'y a aucun délit. C'est ça, interpréter. Sarf, zahir al-lav, ila lavdin akhar bila délit. مثلاً الله il a dit وجه il a dit main en apparence c'est un visage et des mains هم avec leur explication ils ont déformé le sens les mains c'est devenu la force le visage c'est devenu la récompense ça s'appelle du tahrif s'il n'y a pas de délil et il n'y a aucun délil d'interpréter les noms d'Allah Azza wa Jal avec leur interprétation أبداً وهذا أو هذه خلاصة طيبة في التأويل on lit ما بعده c'est simple. قال شيخ الإسلام وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول أي tous les versets qui parlent des صفات d'Allah عز وجل le visage, les mains, etc. أمرها حقا أي je les laisse comme elles sont. Je ne fais pas d'interprétation. Je ne déforme pas. Je ne fais pas de تمثيل, de ressemblance. Je ne fais pas كذلك du ta'til, je rejette. Là, umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal. At-tiraz al-awwal, c'est les premières générations. Comme ils ont fait. Allah, il a un visage, na'am. Est-ce que c'est un vrai visage? Na'am. Allah, il a appelé visage. Est-ce que c'est des vraies mains? Na'am. Allah, il a dit des mains, il n'a pas dit la force. Donc c'est des mains. Lakin, en aucun cas, on fait ressembler Allah aux créatures. Fal-haqiqa, les créatures entre elles, si tu compares leurs sifat, c'est pas les mêmes. كما بين شيخ الإسلام في التدمورية. Si tu prends صفات القوة, on donne souvent cet exemple, la force. Est-ce que la force d'un animal, c'est comme la force d'un être humain? Là, des animaux, ils ont une force beaucoup plus grande que la force d'un être humain. Est-ce que c'est la même chose là? Le visage. Les animaux, ils ont des visages, l'être humain, il a un visage. Est-ce que c'est les mêmes là? Hada, il marche, hada, il marche. Ils ont les deux la sifat de marcher. Tu trouves, hada, il marche sur deux pieds, deux jambes. Hada, il marche sur quatre pattes. Hada, sur six. Hada, il rampe. C'est pas la même chose. Pourquoi faire ressembler Allah Azza wa Jalla aux créatures? Qala, qawluhu at-tiraz ma'khoud min at-tirz. وقال ابن العربي الطرز الشكل والطراز بالكسر علم الثوب فارسي معرب والطراز أيضا النمط. C'est ça, c'est des exemples. Et nos premiers exemples, la première génération. قال والظاهر والله أعلم أن مراد شيخ الإسلام أن مذهبه إمرار آيات الصفات كما جاءت وكما نقلها إلينا السلف الصالح وهو مذهب أهل السنة أمام نصوص الصفات من الكتاب والسنة. C'est ça la voie des salaf. On prend les versets pour الصفات comme Allah il les a révélés, sans interpréter, sans déformer. On les comprend avec la langue arabe. لأن القرآن il a été révélé en langue arabe. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Donc pour méditer, t'as que la langue arabe. Donc on comprend ce صفات avec la langue arabe. Bien sûr, sans faire ressembler, sans ta'til, sans takif, etc. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذا النقل لا أمبورتو. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. Donc toutes les sifat qui sont fait le Coran ou fait le Sunna, on y croit. Le Sunna sahiha. Allah il a des mains, Allah il a un visage, Allah il descend, Allah il est au-dessus de son trône, Allah il a la force, Allah il a l'ilm. Tout ça, on y croit. Wa hamliha ala al-haqiqa. Ça c'est important. Et c'est des vraies mains. C'est un vrai visage. Allah il descend. La ala al-majaz. Et un ta'wil batil. Les anabardohum ils font du majaz. Majaz ça ressemble au ta'wil. Et il va dire, na'am, Allah il a dit des mains, lakin c'est du majaz. C'est pas des vraies mains. Allah il a dit des mains, mais il voulait nous montrer la force. Hada c'est batil. Yana le Coran il est bil lughati al arabiyya. Et le prophète sallam il a propagé le message. Et le prophète sallam il nous a jamais démontré na, les mains c'est la force ou le visage c'est la récompense. Abatan. Wa la yukayifun. Kadhalik. Et il rentre pas dans le kayfiyya. Le kayfiyya c'est le comment. Il n'y a aucun doute que sur ces fêtes, elles ont un comment. Lakin, on ne le connaît pas. Fala yukayifun. Ay la ya'lamun al-kayfiyya. Fa, ils ne rentrent pas fi hada. Ça, c'est un bab khatir. Comment elles sont ses mains, comment il est le visage. La. Qala azza wa jal, wa la yuhituna bihi ilma. Personne ne peut comprendre. Personne n'a vu Allah. Personne. C'est pas un bab où tu peux faire des efforts d'interprétation pour trouver. La. ولا يحدون فيه صفة محصورة. قال انظر الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. C'est ça مذهب السلف. إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها. Des mains c'est des mains. On n'interprète pas. ونفي الكيفية. Le comment on ne sait pas. C'est des vraies mains, lakin comment elles sont الله أعلم. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات على هذا وعلى هذا مضى السلف كلهم. On croit en l'existence d'Allah عز وجل. كذلك on croit qu'il a des صفات. Le comment Allah أعلم. On ne sait pas comment il est Allah عز وجل. On ne sait pas comment elles sont ses créatures. Comment elles sont ses صفات. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام. لا إثبات كيفية. أما الكيفية لا on sait pas. شيخ الإسلام في التدمورية يدن مثال طيب pour te démontrer أن une chose elle peut avoir le même nom لكن c'est pas la même chose et tu connais pas le comment. Il donne l'exemple avec العنب, les raisins. العنب t'as deux catégories, t'as les raisins في الدنيا et t'as les raisins في الجنة. عنب الجنة. Les raisins في الدنيا tu sais comment ils sont. Ça peut être de couleur verte, ça peut être rouge, ça peut être plus foncé. Tu sais qu'adalik la taille, le poids à peu près. في الجنة ça n'a rien à voir. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. On sait qu'il y a des raisins في الجنة, لكن c'est pas comme في الدنيا. Pourtant c'est le même nom. Raisin, raisin. كذلك في القرآن رمان. كذلك لبن. جلاد. كذلك خمر. Et beaucoup de choses qu'il y a في الجنة, c'est les mêmes noms, لكن c'est pas la même chose. Pourtant c'est deux créatures. Si on demande à n'importe qui l'un, est-ce qu'il y a des raisins fil jannah, il va dire na'am. Comment ils sont, Allahu a'lam. C'est pas. Est-ce qu'ils sont comme les raisins de dunya? La. Enfin, pourquoi ils acceptent ça dans certaines créatures et fi haqqil azwajal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré où ils ressemblent pas aux créatures, haoula ils s'entêtent à le faire ressembler thumma inni les sifat. Mafhoum hada. Et ça, inshallah, vous le verrez fi at-taqrib, taqrib at-tadmuriyya, Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ça avec un kalam jamil. Qala qala Ibn al-Qayyim rahimahullah bal ittafaqa as-sahaba wa at-tabi'un ala iqrarha wa imrarha ma'a fahm ma'aniha wa ithbat haqa'iqha. C'est ça madhhab as-salaf. Imrarha ay ala adh-dhahir sadim fahm ma'aniha, on sait que c'est des vrais mains. Pas comme ils font al-mufawwida, c'est un autre groupe égaré. Ahlul Tafwid. Qu'est-ce qu'ils disent, hum? Ils disent que Allah, il a des mains, lakin on ne sait pas c'est quoi. Ils disent comme nous que le kayfi est inconnu, lakin le sens aussi pour eux, il est inconnu. Et ils se sont égarés. Ça veut dire que beaucoup de versets dans le Coran, on ne connaît pas le sens. Et ça, c'est de l'égarement. Des mains, c'est des mains. Un visage, c'est un visage. Lakin, comment il est? Allahu a'lam. Est-ce qu'il ressemble à celui des créatures? Là. Donc, madhab as-salaf, les compagnons et ceux qui les ont suivis, ils comprenaient le sens wa ithbat haqa'iqha. Ils ont la conviction qu'Allah il a des mains, des vraies mains. Lakin, comment elles sont, Allahu a'lam. Est-ce qu'elles ressemblent à celles des créatures? La. Wa qala al-Awza'i rahimahullah su'ila Makhoul wa Az-Zuhri an tafsir al-ahadith fa qala amirruha kama ja'at. C'était ça madhhab as-salaf. Ba'dhum y demandait et il leur disait laissez les versets comme ils sont. C'est des mains, c'est des mains. Un visage, c'est un visage. Allah, il descend, Allah, il descend. Sans faire ressembler aux créatures. Tous ceux qui se sont égarés via Adalbeb, ils ont fait ressembler Allah à la créature. Thumma, imma, ils sont tombés dans le tafouid, imma dans le tahrif, imma dans le ta'atil, imma dans le tamthil. Et ça a donné beaucoup de groupes. Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Mufawwida, Al-Asha'ira, Al-Mumathila, Mushabbiha. قال وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي هؤلاء أئمة الإسلام في زمنهم الإمام مالك ست إمام المدينة سفيان الثوري لت en Irak الليث بن سعد il était en Égypte الأوزاعي il était في الشام هؤلاء c'était les références à leur époque عن الأخبار التي جاءت في الصفات أي leur ont demandé. Ils leur ont posé la question sur les preuves qui sont venues par rapport aux sifat. Ils ont tous répondu qalu amirraha kama ja'at bila kayf. Et tu y crois. Comme les versets ils ont été descendus, tu y crois sans chercher à savoir le comment. Léna, tu ne le connaîtras pas. Et kadhalik, sans faire de tamthil. Léna, Allah Azza wa Jal qal laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Fahada huwa madhhab as-salaf. Révisez. هذين البابين sur le ta'wil et aqidatu salaf et inshallah le prochain cours on révisera ensemble celui qui n'a pas compris on verra le prochain cours نكتفي بهذا القدر والله الحمد